Le mot Yao qui vous a été présenté avec le sens d'avoir, comme dans j'ai ceci ou elle a cela. Alors ce mot est aussi utilisé pour traduire l'expression il y a. Et donc, nous emploierons Yao pour dire il y a. Alors, y a-t-il une télévision dans sa maison? Dans sa maison, il y a télévision, plus le mot interrogatif. Alors commençons par « dans sa maison ».« 在 他的家里 ». Il y a télévision, plus l'interrogatif. « 有电视吗?» Y a-t-il une télévision dans sa maison? 在他的家里有电视吗? Et pour répondre, oui, il y en a une, vous direz? 有 有 Y a-t-il des personnes qui regardent la télévision maintenant? Donc, qui sont en train de regarder la télévision maintenant? Nous allons mettre « maintenant » au début de la question pour insister vraiment sur ce mot, au lieu de suivre l'ordre habituel des mots « qui »,« quand » et « quoi ». Donc, « maintenant ». 现在 « il y a » »« 有 » »« des personnes » et vous n'avez pas besoin de traduire « des »« 人» »« en train de » »« 在» Regardez la télévision plus l'interrogatif. Regardez la télévision. Oui, c'est ça, regardez la télévision. Regardez télévision. 看电视吗? Alors reprenons. Y a-t-il des personnes qui regardent la télévision maintenant? 现在有人在看电视吗? Comment dites-vous? Il n'y en a pas, ou bien non. 不有 Quelle est la négation spéciale qu'on utilise avec 有 ah, Bien sûr, parce que c'est le même mot. Alors c'est mais 有 Et donc, il n'y en a pas. 没有 Oui, et vous entendrez ça très souvent dans les conversations avec les Chinois. 没有 ouais, c'est vraiment une expression qu'on entend très souvent en chinois, hein, dans les magasins, au restaurant, etc. Et maintenant, y a-t-il un grand livre sous sa table? Sous sa table, il y a grand livre plus l'interrogatif. 在他的家下有大书吗? Alors, sous sa table, comment dites-vous table? 桌子 Et comment dites-vous sous sa table? Alors, c'est à sa table sous? Oui, c'est ça. Pour dire sous sa table, c'est juste sa table sous. Donc, se trouver à sa table sous. 在他的桌子下 Donc, il y a grand livre... Plus l'interrogatif. 有大书吗? Sous sa table, y a-t-il un grand livre? 在他的桌子下有大书吗? Et votre réponse est oui, il y en a un. 有 Il faut dire 有 Où y a-t-il un livre? Alors traduisez, se trouver où il y a livre. 在哪儿有书? Maintenant, ce qu'il se passe en chinois parlé, c'est que quand on dit 在哪儿, au début de la phrase, on supprime le 在. Et y a-t-il une raison pour que ce ne soit pas il y a un livre où? C'est vrai, en fait, nous avons mis le mot interrogatif à la fin. C'est parce que nous disons il y a. Quand on emploie il y a un livre, il y a des personnes, et que nous demandons où, le se trouver où, se place au début de la phrase. Par exemple, où y a-t-il un livre ? Se dira littéralement se trouver où il y a livre. Donc la traduction littérale de cette phrase en chinois serait 在哪儿有书? Donc si vous dites ça, vous serez très bien compris. Mais vous pourrez aussi entendre les gens dire 哪儿有书上了在? Donc les deux solutions sont bonnes. Dans les deux cas, vous pourrez communiquer et vous serez parfaitement compris. Mais après un certain temps, vous aurez peut-être envie de supprimer le « zài » du début. Alors, où y a-t-il des personnes ? Nǎr有人. Où y a-t-il des personnes ? Nǎr有人. Et maintenant la question. Dans ta maison, y a-t-il des livres ? 你的 家 里 书 吗? Donc, comment vais-je savoir s'il y a des livres? Ah, pardon. Pouvez-vous me répéter la phrase en français encore une fois, s'il vous plaît? Oui. Dans ta maison, il y a livres plus l'interrogatif. Alors, 你的 家 里 有 书 吗? Dans ta maison, y a-t-il des livres ? 你的家里有书吗? Et je remarque ici que vous avez choisi la manière familière de le dire en chinois, en supprimant le « zài ». Et maintenant, s'il vous plaît, donnez la réponse. Il n'y en a aucun. Mais, yo. Attention, c'est « mei yo ». Où y a-t-il des toilettes ? Où y a-t-il... D'accord, donc c'est où il y a toilette. Oui, c'est bien ça. Nǎr有厕所. Où y a-t-il des toilettes ? Nǎr有厕所. Donc comprenez bien que dans l'esprit des Chinois, le mot « se trouver à » ou « se trouver » dans un endroit quelconque, le « zài » est omis. Il est implicite dans l'esprit de la personne qui parle aussi bien que pour la personne qui écoute, mais dans le langage familier, on ne le met pas. Et on le supprime avec « avoir » quand on veut dire « où y a-t-il » ou bien « ici, il y a ». Quand on le dit de cette manière, on ne met pas le « zài », on peut donc l'omettre. Mais alors c'est seulement avec « il y a » ? On peut le faire aussi avec d'autres verbes.